نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله رحمة واسعة باب القراءة والعرض على المحدث قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نابر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل أبن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أن أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. فقال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Le guide des croyants, dans matière de hadith, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, chapitre, la lecture et l'exposition à celui qui rapporte le hadith, ou bien au savant. Ensuite, al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a relaté une chaîne de transmission remontant jusqu'au compagnon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Ce compagnon, qu'Allah l'agrée, a dit, tandis que nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, un homme sur un chameau est entré. Et il a fait agenouiller son chameau dans la mosquée. Puis, il l'a attaché. Puis, il leur a dit, « Lequel d'entre vous est Muhammad ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était adossé parmi ses compagnons. Nous lui avons dit, « C'est cet homme blanc qui est accoudé. » L'homme lui a dit, est-ce que tu es le fils de Abd al-Muttalib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, je t'ai répondu, c'est-à-dire, cet homme est moi. Et l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, je vais te questionner et je vais te presser en question. Il ne faut que tu ressentes rien en toi à mon sujet. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, questionne en ce bon qui te semble. Et le prophète, et il a dit, je te demande par ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui sont venus avant toi. Est-ce que Allah t'a envoyé à tous les gens? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, effectivement. Il a dit, l'homme, je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné d'accomplir 5 prières jour et nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, effectivement. Il a dit, je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné de jeûner ce mois parmi l'année? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, effectivement. Il a dit, l'homme, je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que tu prennes l'aumône de nos riches et que tu la distribues parmi nos pauvres? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Allah, effectivement. Et l'homme a dit, j'ai foi en ce quoi avec tu es venu. Et je suis un messager missionnaire pour ceux qui viendront après moi parmi mon peuple. Et je suis, c'est-à-dire je me nomme, l'imam ibn Tha'laba, frère des Bani Sa'd ibn Bakr. فالأسبوع الماضي رأينا بعض الفوائد التي استخرجها العلماء فنواصل في ذلك ونسوق هذا الحديث وعندما نرى فائدة نقف عليها. Et donc la semaine dernière, quand on avait lu ce hadith, on avait vu quelques utilités dont les savants avaient extrait ou tiré de ce hadith. Et donc on va poursuivre en cela. Donc on va lire le hadith et chaque fois qu'on verra une utilité, on s'arrêtera. إذن يقول أنس بن مالك بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال له أيكم محمد. هنا هذا الرجل هذا الأعربي وهو دمام بن ثعلبة عندما سأل قال أيكم محمد, فهذا يدل على جفاء هذا الأعربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى باسمه وإنما ينادى برسول الله صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينادى باسمه, وكان الصحابة رضي الله عنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله. فلهذا قال الله عز وجل في سورة النور ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنداء الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد كان حراما فلم يكن الصحابة ينادونه بمحمد, ولكن أهل البدع وأهل الأهوى كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد, كما في القصة في قسمة الغنيمة عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يسمى بذي الخويصرة وهو أول خارجي, فلم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم, فقال هذا الرجل لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل, فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم أعدل فمن يعدل. وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب عنقه, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فهذا الرجل هو أول خارج في الإسلام. واعلموا أن الخروج على الحاكم محرم، ولم يكن الخروج على الحاكم بالسيف فحسب، والخروج على الحاكم قد يكون بالألسنة كما فعل هذا الرجل. وبعض العلماء مثل ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كما ذكره في كتابه فتح الباري، هؤلاء الذين يسبون الحكام ويشتمون الحكام وينتقدون الحكام ويحرضون الشباب على الخروج على الحكام، فهم أشر من الذين خرجوا على الحكام بالسيف. وهذه الطائفة تسمى الخوارج القعدة كما ذكرها ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. Donc, lorsque Anas ibn Malik a dit, tandis que nous étions assis dans la mosquée en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme sur un chameau est entré. Il a fait agenouiller son chameau dans la mosquée. Puis, il l'a attaché. Et puis, il leur a dit, c'est-à-dire qu'il s'est adressé à l'assemblée, lequel d'entre vous est Mohammed? Donc ici, cet homme qui est un bédouin, qui se nomme l'imam ibn Tha'laba, a nommé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par son nom, Mohammed. Au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui appelaient et qui interpellaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'interpellaient par messager d'Allah ou prophète d'Allah, mais personne l'interpellait par son nom, Muhammad. Car cela, le nommer, l'interpeller, l'appeler par Muhammad, était illicite, interdit. Les compagnons, quand ils s'adressaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'interpellaient en disant « Ô messager d'Allah, ô prophète d'Allah » et non pas « Muhammad ». Et donc cela montre de la dureté de ce bédouin qui a nommé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par « Muhammad ». Et il y a un verset qui mentionne l'interdiction d'interpeller le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par Muhammad. Le verset, il est dans Surat al-Nur, la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne considérez pas l'appel au messager comme un appel que vous vous adresserez les uns aux autres. » C'est-à-dire qu'il était interdit, formellement interdit, au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'interpeller le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par Muhammad. Et ceux qui ont interpellé au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont interpellé par son nom, Muhammad, sont les gens de l'innovation. Et le premier qu'il a nommé ainsi, c'est le premier khariji qui est apparu dans l'islam. Le premier kharij, c'est-à-dire une personne qui se soulève contre les gouvernements, qui sort contre les gouvernements. Et cette personne se nomme Dhul Ruwaisira. Il a nommé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par Muhammad. Lorsque, durant une bataille, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partageait le butin. Et cet homme était mécontent. Il n'a pas été satisfait du partage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a interpellé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ô Muhammad, sois juste. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu: si je ne suis pas juste, qui sera juste? Et il y avait aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Quand il a entendu cette parole, il a voulu le décapiter. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Pourquoi? La raison: pour que les gens ne pensent pas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu pour tuer ses compagnons. Et donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam a laissé cet homme. Et de cet homme, comme l'a spécifié le messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths que vous trouvez dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, a dit: ne sortira de l'échine de cet homme des gens qui multiplieront les adorations, mais dont Allah subhanahu wa ta'ala n'agréera point leur adoration. Et donc, sachez, et ceci est d'une grande importance, que ceux qui se rebellent contre les gouvernements, ce ne sont pas simplement ceux qui prennent les armes. Également, ceux qui se rebellent contre les gouvernements sont également ceux qui se rebellent par leur langue. C'est-à-dire qu'ils insultent, qu'ils critiquent, qu'ils dénigrent et qu'ils incitent les jeunes à partir combattre. Et ces gens restent chez eux. Et ces gens, comme l'a décrit Ibn Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala, vous trouvez dans son livre Fath al-Bab, il a dit: ces gens qui incitent les gens à combattre, à se rebeller contre le gouverneur, alors que eux restent chez eux, en train de manger, en train de boire, possédant des voitures de luxe, possédant même des châteaux. Ces gens, ils sont pires, c'est les plus pires des Khawarij. Et ces personnes, les ulama, les ont nommés comme nom, en leur donnant comme nom Al-Khawarij Al-Qa'ada, comme l'a spécifié donc Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ibn Nasouq al-Hadith. Donc nous poursuivons. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muttaki'un bayna dhahranin faqulna hadha ar-rajul al-abyad al-muttaki'un. فهنا لون النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، وهذا بناء على الأغلب في لونه، فجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لونه أبيض ولكن هو مشرب بياضه بالحمرة أي لا يكون بياضه خالصا أو شاددا أو شديدا لا حمرة فيه وإنما بياضه مشرب بالحمرة وهو مبين في صفة خلقه فجاء في الدلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى وهذا الحديث الذي نذكره هو صحيح صححه العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوضعي رحمه الله تعالى فقال أنس بن مالك كان أبيض مشربا بياضه بالحمرة وكان أسود الحدقة وأهدب الأشرار وأهدب الأشفار ولكن هذا اللون يميل إلى الأزهر كما جاء في صحيح مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أزهر اللون كأن عرقه لؤلؤ وإذا مشى تكفأ Et donc, la suite du hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accoudé parmi ses compagnons. Nous avons dit, c'est cet homme blanc qui est accoudé. Et donc d'ici, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam La couleur de sa peau était blanche, mais ce n'était pas un blanc majoritaire. C'est pour cela que dans des hadiths authentiques est venue la clarification de cette couleur. C'est le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui l'a décrit. Cette couleur, la couleur blanche, n'était pas un blanc éclatant, un blanc pur, mais il était mélangé à la couleur rouge. Et le hadith, le compagnon donc a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de couleur blanche, était de couleur blanc. Et son blanc, c'est-à-dire la couleur de sa peau, qui était blanche, était mélangée au rougeâtre. Et ensuite, il a dit, ses pupilles étaient noires et il avait des longs cils. Ce hadith est rapporté par Al-Bayhaqi dans son livre Ad-Dala'il Al-Nubuwa, les preuves de la prophétie. Et ce hadith a été authentifié par le très grand savant Cheikh Muqbil ibn Hadi Wadihi rahimallahu ta'ala. Et certains savants ont dit que cette couleur, elle penchait vers le brun. C'est pour ça qu'il y a eu d'autres hadiths rapportés par muslims entre autres, que lorsqu'on a décrit la couleur de la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que sa peau était brun et que lorsque se déversaient de lui des gouttes de sueur, ces gouttes étaient semblables à des perles et que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, il marchait d'une manière élégante. ثم نستمر فقال له الرجل ابن عبد المطلب فهنا كما هو معلوم عندكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ولكن هنا قال الرجل ابن عبد المطلب نسبه الى الجد فاذا كان الجد مشهور واكثر شهره من ابيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا الى عبد المطلب كما جاء ذلك في بعض الغزوات وفي بعض الحروب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم انا النبي لا كذب وانا ابن عبد المطلب ولكن في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي نفسه بمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد مسند والترمذي في جامعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وأنا خيركم بيتا Et donc, ensuite, la suite du hadith, l'homme a dit, donc c'est toujours le bédouin, l'imam ibn Tha'laba, il a dit, est-ce que tu es le fils de Abd al-Muttalib? Et donc, comme vous le savez, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son nom est Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Le père du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son père se nomme Abdullah. Et son grand-père, Abd al-Muttalib. Et donc ici, cet homme, il a dit, est-ce que tu es le fils de Abd al-Muttalib? Il n'a pas nommé le père, il a nommé le grand-père. Et ceci est permis lorsque le grand-père est célèbre, renommé, qu'il est plus reconnu, plus célèbre que le père. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était reconnu par son grand-père. Et même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux ahadiths, que lorsque le messager, sallallahu alayhi wa sallam, partait en conquête, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, disait, comme par exemple, pour citer une preuve, un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Je suis le prophète qui n'est pas un menteur et je suis le fils de Abd al-Muttalib. Mais maintenant vous trouvez dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se nommait Muhammad ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib. Pour citer une preuve rapportée par Ahmed, l'imam Ahmed dans son Musnad, et également par Tirmidhi dans son Jami', que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis Muhammad, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib. Et certes, Allah a créé les créatures et il m'a mis parmi les meilleurs. Et Allah a fait de ces créatures deux groupes. Et je me trouve dans le meilleur des deux groupes. Puis Allah a fait de ces créatures des tribus. Et je me trouve dans la meilleure des tribus. Puis Allah a fait de ces créatures des familles. Et je me trouve dans la meilleure des familles. Et je suis pour vous dans la meilleure famille, et je suis pour vous la meilleure personne. وَهَذَا لَا يُنَافِي حَدِيثًا الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا عِنْدَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة حرام. Et donc, sachez que cela ne vient pas contredire ou annuler le hadith qui est rapporté par le Bukhari ou le Muslim dans leur sahih. Le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'attribue ou qui s'affilie à autre que son père, alors qu'il sait le nom de son père, le paradis lui est interdit. C'est-à-dire celui qui s'attribue à autre que son père, volontairement, mais celui qui renie pas son père, ceci ne rentre pas dans le hadith. C'est pour ça que le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: Ana ibn Abd al-Muttalib. Je suis le fils de Abd al-Muttalib. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne citait pas le nom de son père et revenait au nom de son grand-père, mais sans renier le nom de son père. Ce hadith s'applique à celui qui renie le nom de son père, comme cela a été expliqué par le très grand savant Cheikh Mohammed ibn Salah al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Vous trouvez l'explication dans Sharh Riyad Salihin. Ensuite, le hadith: faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. Et donc ensuite, la suite du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, je t'ai répondu, c'est-à-dire cette personne est moi. Et l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: certes, je vais te poser des questions et je vais te presser en question, et que tu ne ressentes en toi rien à mon sujet. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الشِّدَّةِ عَادَ الرَّجُلُ أو هذا الأعرابي لكونه من الأعراب ولهم شيء من هذه الألفاظ فيه الشدة والقسوة. Et donc, quand cet homme, il s'est adressé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de cette manière, cela montre la dureté, la rudesse de cet homme. Pourquoi ? Car cet homme, comme on l'a cité, est un bédouin. Et les bédouins étaient connus, ou sont connus, pour leur dureté, leur rudesse. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faqala, sal amma bada lak, fahada, yadullu ala tawadu'un nabi, yadullu ala tawadu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'a hada al-a'rabi, wa husni khuluqihi. » بقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه لأنه يعرف حاله. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Interroge ou questionne en bon ce qui te semble. » Et donc ici, on voit, ceci indique la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été modeste avec ce bédouin. Ceci montre également du bon comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de cet homme. Et regardez comment celui qui enseigne supporte ses élèves. Comment il est bienveillant, comment il est doux envers eux. Et ceci pris de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Tawbah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et certes, un messager pris parmi vous est venu à vous et lui pèse lourd les difficultés que vous subissez. Et il est plein de sollicitude envers vous. Et il est envers les croyants, compatissant et miséricordieux. » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas maltraité ce bédouin. Car le messager, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait l'état, la situation de ce bédouin, de cet homme. Thumma qala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablak. Et donc ensuite, le bédouin a dit, je te demande par ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui sont venus avant toi. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُقِرُّونَ بِالتَّوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالتَّوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْخَلْقِ والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق، فهم المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى كفار قريش كانوا يقرون بالتوحيد الربوبية. فلهذا يقول الله عز وجل: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكما تعلمون أن الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل التوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. يقول الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et donc, d'après la parole de ces bedouins, c'est qu'on voit que les associateurs, ils attestaient du tawhid, de l'unicité de seigneurie. L'unicité de seigneurie est unifier Allah dans la création, dans la royauté, dans l'organisation, la vie, la mort, c'est-à-dire celui qui fait vivre, le seul qui fait vivre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait mourir, le seul qui fait mourir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul qui accorde la subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les associateurs et même les mécréants de la tribu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des Quraysh, ils attestaient cette unicité de seigneurie. Ils savaient que celui qui crée, le seul qui crée, qui fait vivre, qui fait mourir, qui accorde subsistance, c'est Allah. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla a dit: et si tu les interroges, qui a créé les cieux et la terre? Ils te diront Allah. Mais comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre les livres. Il a révélé les livres. Il a envoyé les messagers pour l'unicité d'adoration, qui est d'unifier Allah uniquement, en l'adorant uniquement et en rejetant tout shirk. Adorer Allah uniquement en rejetant toute association. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour dire: adorez Allah et écartez-vous du tarut, c'est-à-dire l'association, le shirk. Et de même aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et nous n'avons envoyé un voie de messager sans que nous lui ayons révélé point de divinité à part Allah et adorez, point de divinité à part moi et adorez-moi donc. Et d'autres versets qui mentionnent, qui révèlent que les messagers ont été envoyés pour ce tawhid. Ensuite, nous poursuivons. Il a dit: Allahu arsalaka ila nasi kullihim. Ay, Allahu arsalaka ila al-insi wal-jin. Fal-ins. فالإنس مقابل الجن وأحيانا يأتي الجن مؤنث بالجنة كما قال الله عز وجل من الجنة والناس. فجاء مقابلة الناس الجنة، والناس اسم الإنس، فقوبل بالجنة بالجنة فقوبل بالجنة. فلهذا يقول الله عز وجل كما قال في سورة الحجرات: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ويقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا شأن الإنس، وهذا شأن الإنس. فبعض أهل العلم قالوا أن الناس وإن الناس يطلق على الجن، وهو دال على عمومة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالات النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل إنس وجن، من حيث بعثته إلى قيامة الساعة من أمته أمة الدعوة. Et donc, la suite, le Bédouin a dit: est-ce que Allah t'a envoyé à tous les gens? Le sens ici est: est-ce que Allah t'a envoyé aux êtres humains et aux djinns? Al-ins, les êtres humains. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, il s'oppose aux djinns. Et parfois, comme par exemple le verset que vous connaissez, lorsque Allah azza wa jal a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes, ou les êtres humains, que pour qu'ils m'adorent. Et parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, el djinn, il l'a utilisé à la forme féminine, comme le verset que vous connaissez, lorsque Allah azza wa jal dit: مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ. Min al-jinnati wal-nas, qu'il soit un djinn ou un être humain. Et donc ici, dans ce verset, djinna s'est opposé à an-nas. An-nas, comme l'ont expliqué les gens de science, an-nas est un des noms des êtres humains. Et un des noms des êtres humains. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, il l'a opposé à Al-Jinnah. Et de même, il y a des versets où cela montre que Nas est les êtres humains. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens: ô êtres humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui de celui-ci a créé son épouse, et de ces deux-là il a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhannas. Et donc annas est un des noms des êtres humains. Mais certains savants, certains gens de science ont dit que An-Nas englobe également El-Jinn. Et ils se sont argumentés par la généralité du message du du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-A'raf, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Ô gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et donc le message, comme vous le savez, du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un message général pour tout être humain et pour tout djinn. Depuis que Allah a révélé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que l'heure viendra, toute personne qui fait partie de la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une communauté qui doit répondre, à l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الله أمرك أن نصلي الصلاة الخمس في اليوم والليلة فقال اللهم نعم فهنا دليل على وجوب الصلاة الخمس في كل يوم وليلة. Ensuite, il a dit, donc, ô Allah, effectivement, il a dit, je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que nous accomplissions les cinq prières jour et nuit? Il a dit, ô Allah, effectivement. Et donc, c'est une preuve, une des preuves, pour indiquer l'obligation d'accomplir les cinq prières jour et nuit. Qala anshuduka billah. Allahu amaraka an nasuma hadha ash-shahr min as-sanati. Faqala Allahumma na'am. Ensuite, il a dit, je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que nous jeûnions ce mois parmi l'année? Il a dit, ô Allah, effectivement. Et donc ceci est une obligation de quoi? De jeûner le mois du Ramadan. Ensuite, qala anshuduka billah. Allahu amaraka an na'khudha hadhihi sadaqata min aghniyaina. فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا. Et donc ensuite, il a dit, je te demande par Allah, est-ce que Allah t'a ordonné que tu prennes l'aumône de nos riches et que tu la distribues à nos pauvres? فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاتِ وَالزَّكَاتِ تَجِيبُ عَلَى الْأَغْنِيَةِ. ومن هو الغني؟ الغني كما قال أهل العلم في كل موضع بحسبه. قد يكون الإنسان غنيا في باب الزكاة ولم يكن غنيا في باب الحج، وقد يكون غنيا في باب الحج ولم يكن غنيا. فكل باب له غناء خاص. Et donc, ici, on voit de cette parole l'obligation de s'acquitter de l'aumône légale. Et donc, comme vous le savez, l'aumône légale est une obligation pour les riches. Mais quel est le riche? Qu'est-ce qu'un riche? Les gens de science, comme le très grand savant, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a défini qu'est-ce que le riche? Le riche, selon sa situation et selon son cas, c'est-à-dire, on peut trouver une personne qui est riche concernant l'aumône, mais qui n'est pas riche concernant le pèlerinage. C'est-à-dire, comme vous le voyez, pour sortir la zakat, comme vous le savez, il y a deux conditions. Les deux conditions sont al-nisab ou al-hawl. Les deux conditions pour sortir la zakat sont al-nisab. Donc le quota, c'est-à-dire l'argent minimum qu'on doit atteindre pour pouvoir sortir l'aumône. Et comme ça, cela a été mentionné dans les ahadiths, c'est 85 grammes d'or. Et vous faites la conversion et environ en euros, ça atteint entre, on va dire, entre 2500 et 2700 euros. Donc celui qui a cette somme, ceci est la première condition, et qu'il l'a conservée une année, sans l'avoir touchée, et donc il doit sortir la zakat. Et donc, s'il sort la zakat, comme l'ont considéré les gens de science, cette personne est riche. Car un pauvre ne sort pas la zakat. Le pauvre, comme vous le savez, dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surat al-Tawbah, le début du verset, Allah azza wa jalla dit « Innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin » Les sadaqat, les aumônes, ne sont destinées que pour les pauvres et les indigents. Que pour les pauvres et les indigents. Et donc celui qui sort la zakat, il est considéré comme un riche. Mais maintenant, il est riche en sortant la zakat, mais il se peut qu'il n'est pas riche concernant le pèlerinage. Comme vous le savez, ici, le pèlerinage à peu près, pour accomplir le pèlerinage, après les sommes diffèrent, mais on va dire à peu près 4500 euros. Si la personne a 3000 euros, donc elle sortira la zakat, mais elle ne pourra pas faire le pèlerinage. Donc elle sera riche dans la zakat, mais elle ne sera pas riche dans le pèlerinage. Et donc c'est ce qu'a mentionné le grand savant Cheikh Mohammed ibn Salah al-Athaymin, rahimahullah ta'ala. Donc selon, vous voyez, le cas et la situation de la personne. Donc selon le cas et la situation de la personne. Huna mas'alatun aw fa'ida. عندما قال هذا الرجل الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فجواز الاقتصار على صنف واحد من الزكاة ولكن يقول بعض أهل العلم لابد من تعميم هذه الزكاة على الفقراء يعمى عليهم أو يعمى على كل واحد بقدر الاستطاعة وبعضهم قالوا الأقل على الثلاث وعند ذلك يتحقق الجمع وبعضهم قالوا يجزي لواحد أي لفقير واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقابسة فقال له أقم عندنا حتى تأتينا الصدقات فنأمر لك بها وهذا هو المشهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجزي لفقير واحد ولكن إن اتسع انتفاع الفقراء بالزكاة فهو أولى. Et donc il y a une autre utilité qui a été donné par les gens de science, qui est, vous voyez dans le hadith, la parole du Bédouin quand il a dit, est-ce que Allah t'a ordonné que tu prennes cette aumône de nos riches et que tu la distribues à nos pauvres? Donc les savants ont déduit de cette parole qu'il est permis de limiter ou de restreindre la zakat à une seule catégorie. Comme vous le savez, c'est dans Surat At-Tawbah, le verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Et donc dans sourate Tauba verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné les catégories à qui on reverse l'aumône. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, les aumônes, les sadaqat, ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent. Ceux qui y travaillent, c'est-à-dire qu'au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, ils avaient des personnes qu'ils allaient chercher auprès des gens l'aumône, récupérer. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam leur donnait, donc de cette aumône, il leur donnait une part. Wa al-mu'allafati qulubuhum, et ceux dont les cœurs sont à gagner. C'est-à-dire si maintenant une personne est mécréante, mais que son cœur penche vers l'islam, il est permis de lui donner l'aumône pour la rapprocher de l'islam. Wa fi al-riqab, al-riqab, c'est pour l'affranchissement d'esclaves. Wal gharimina, c'est ceux qui sont lourdement endettés. Wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Wa ibn sabil, c'est le voyageur en détresse. Ceci est un décret d'Allah, et certes Allah est omniscient et sage. Et donc ici, dans ce hadith, il a cité une seule catégorie, qui sont les pauvres. Et donc les savants ont dit qu'il est permis de donner à une seule catégorie. Il est permis. Pas besoin de donner à toutes les catégories. Une seule catégorie est permis. Mais maintenant, certains savants, certains gens de science ont dit qu'il est préférable que lorsqu'on donne la zakat aux pauvres, il faut la donner à le plus possible de gens. Pourquoi? Parce que ici, dans le hadith, l'homme, le bédouin, a dit fuqara'ina. Il a employé le pluriel. Et maintenant, donc certains gens de science ont dit le minimum à qui on doit donner l'aumône est 3 personnes. Car dans la grammaire arabe, le pluriel, dans la grammaire arabe, commence à partir de 3. En français, dans la langue française, c'est 2, mais en arabe, c'est 3. Et donc, ils disent minimum 3. Mais d'autres gens de science, qui sont ceux qui suivent l'imam Ahmed, c'est-à-dire les savants qui ont suivi les opinions de l'imam Ahmed dans la science, dans le fiqh, ils ont dit, il suffit minimum une seule personne. Pas besoin de donner à plus. Une seule personne suffit. Ils se sont basés par rapport à un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un compagnon qui se nomme Qabisa et lui a dit, reste auprès de nous jusqu'à ce que viennent à nous les aumônes et nous t'en donnerons. Et donc, comme l'ont expliqué les gens de science, pour donc rejoindre ces deux avis, ils ont dit qu'il est plus préférable il est plus préférable, plus on donnera aux pauvres et mieux cela sera. فنكتفي هذه الليلة بهذا القدر وإن شاء الله سنواصل ما بقي بعد الفوائد في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. Donc on va se contenter de ce qu'on a vu ce soir. Inch'Allah, la semaine prochaine, on poursuivra. Si Allah Azza wa Jal le veut. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.